Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire en cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence Vie. Présentation, Prisca Aïman. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce témoignage, un témoignage édifiant, un témoignage vivant que nous allons encore vous donner par la grâce du Seigneur. C'est Annick Kofi qui réalise aujourd'hui cette émission et Prisca Aïman à ce micro, hein, comme d'habitude. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore pour une odyssée testimoniale, une odyssée en témoignage. Et nous bénissons Dieu parce que c'est un témoignage qui va nous édifier encore. Le Seigneur a fait passer de la mort à la vie quelqu'un qui est devenu évangéliste. Il n'en était pas question avant et il n'avait même pas ce projet d'accepter Christ et de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est fait. En tout cas, depuis 92, il a donné sa vie au Seigneur et il est heureux. Il est au service du Seigneur. Nous le saluons ce jour béni de l'Éternel. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Homme de Dieu, tu vas te présenter. Je me nomme Noumaou Ousmane. Je suis d'une famille de 8 enfants. Mm-hmm. Je suis l'aîné de mon père. Mm-hmm. Dans la naissance, je suis né dans une famille où ils adoraient un Dieu. D'accord. On va y arriver. Votre père est du Niger. Oui, il est du Niger. Voilà. Et votre mère est Baoulé. De Sakassou. De Sakassou. Donc, notre invité qui est l'évangéliste Noumaou Ousmane est ivoirien. Voilà, il est de Sakassou. Le village, c'est quoi? C'est Nanglais Kwadiokro. D'accord. Nanglais Kwadiokro. Vous pouvez saluer en 30 secondes la population Baoulé. Il y a Amélique Jésus-Christ Doumanou. Nini Nsim. Moumi Ambe Flamin Noumaou Ousmane. Madi Lalona. Benga Beti. On fait que au Katibé Nzouin, on m'a bien voulu lever. N'a bien voulu que au Stranga Kula Desran, il y a le Jésus-Christ, mon fils Nazareth. Voilà. Ami la fille sous, c'est ça, Dieu me sous. Voilà. Ami femme, ami guama Jésus. On dit Amen. Amen. Voilà, ce qui est sûr. Voilà. Les Baoulés ont compris. C'est ça. Nous, on va parler maintenant en français, c'est que nous, on comprend. Alors, évangéliste Noumaou Ousmane, on va parler un peu des croyances de la famille. C'est les ça. Croyances de la famille. Qu'en était-il? Mon père est Nigérien, il vient du Niger. Dans ma naissance, on servait un Dieu, on adorait un Dieu, jusqu'à j'ai participé. On va aller pas à pas, hein. Vous adoriez un Dieu, donc vous étiez dans une religion. Dans une religion qui est connue, il y a beaucoup d'adeptes dedans. Quand tu es né là-bas dans cette religion, à ton bas âge, forcément, il faut aller dans une école. Matin, il faut faire des prières, sinon tu ne manges pas. C'est ça. Maintenant, dans cette école-là, et vos pères et mères, c'est-à-dire que votre père et votre mère ont pratiqué cette religion. Cette religion. Là-bas, je veux dire, quelles étaient les pratiques, mis à part l'école et tout ça, dans la religion? La religion, il faut faire beaucoup de sacrifices. Souvent, il faut les mettre au carrefour. Soit disant, c'est pour donner ça au génie, d'accord, pour que le génie te donne la chance. D'accord. Et c'est comme ça que votre mère vous a beaucoup, je veux dire, introduit dans ce rituel-là, où on vous lavait. Ouais, comme je l'ai dit, quand mon père est décédé, parce que mon père ne m'aimait pas, mon père est décédé à l'âge de 75 là-bas. Vraiment, c'était difficile. C'est que j'étais dedans, ma mère, en tant que j'étais encore très banni ce moment-là, ma mère pouvait enlever ce sort. Elle s'envoie les marabouts me lavaient, pouvoir faire partie les sorts pour qu'un bon démon, d'après même un bon génie, me dirige. Mais quand je fais ces rituels-là, c'est là que je deviens plus bandit qu'avant. D'accord. Donc, l'évangéliste Noumaou Ousmane a été lavé, je vais dire, dans les carrefours. Nu. Entre 3h et 4h du matin. Du matin, on fait ça, c'est tout noir. On met dans un seau et puis tu vas au carrefour, tu te laves avec. Est-ce qu'il y a des prières, des incantations qui sont faites? Il y a des prières. Qu'est-ce que ça exprimait, ces prières-là? Ces prières, c'est pour qu'il enlève ce mauvais sort. Puis vraiment, j'amédais tout le monde. mes petites soeurs, mes petits frères. Donc il fallait ce rituel-là où on vous lavait. Il fallait ce rituel-là pour me laver, ces sacrifices. Pour vous conjurer un peu le mauvais sort. Le mauvais sort pour que je puisse changer. Mm-hmm. Mais c'était encore très difficile. Quand je faisais ça, je devenais encore plus mauvais qu'avant. Mm-hmm. Et après ce bain nocturne-là que vous avez pris au Carrefour, alors si vous nous prenez en marche maintenant, sachez que nous sommes à l'émission Transformation avec Prisca Aimon et Annie Kofi pour la réalisation, pour la mise en onde. Nous recevons l'évangéliste Noumaou Ousmane, voilà, qui prie au centre de prière la restauration de l'Éternel, dont le leader était donc notre bien-aimé homme de Dieu, Papa Prosper, qui a été rappelé au Seigneur, c'est comme ça qu'il faut dire, voilà. Mm-hmm. Il a été rappelé au Seigneur, aujourd'hui, voilà, il vit bien dans le royaume. Voilà, mais c'est vrai que c'est tout ça fait toujours mal, hein. Mais voilà, le Seigneur a voulu prendre son serviteur, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc l'évangéliste Noumaou Ousmane prie au centre de prière de la restauration de l'Éternel. Vous allez savoir comment c'est passé, comment il a donné sa vie au Seigneur. Voilà, c'est avec lui que nous parlons témoignage. Il nous égrène un peu la vie sans Jésus, cette vie sans foi ni loi. Et nous en parlons avec beaucoup de délectation parce qu'il s'agit des hauts faits de l'Éternel. On était comme ça, on avait une vie antérieure avec cascade de malheurs, avec actes antiscripturaires. Puis le Seigneur nous a pris un jour, on l'a rencontré et sa vie est entrée en nous et on a changé. Et c'est de ça qu'il s'agit à l'émission Témoignage. Alors, on a dit, Evangeliste Ousmane, tu étais donc l'aîné de ton père et le troisième de ta mère. Étant enfant dans cette religion-là, à la naissance, il y a un rituel qui se passe aussi. Il y a un rituel qui se passe à la naissance. En tant qu'un enfant de là-bas, mm-hmm. on doit te raser les cheveux et te laver avec ces mêmes produits, c'est pas ces mêmes trucs-là, puis te donner un nom qui correspond à la religion. D'accord. Mais quand ils rasent, c'est vrai que dans le temps, évangéliste, tu étais enfant. Mais quand ils rasent les cheveux, où ils mettent les cheveux après? Ils rasent les cheveux, on donne ça au père. Et puis celui qui va faire pareil, j'ai un petit frère, ils ont fait pour devant moi. Mm-hmm. Alors, le côté santé, il n'y a rien à signaler. Mm-hmm. Les relations avec tes parents, tu as dit que tu étais un enfant casse-pied, invivable, infréquentable. C'est pour cela que ta mère t'envoie très souvent te faire laver au Carrefour pour conjurer le mauvais sort, afin que tu aies une vie stable, puis un enfant docile, obéissant. Mais c'était pire. C'était pire, parce que ma mère même, après la mort de mon père, elle partait parce que ça n'allait même pas à la maison. Mm-hmm. Quand on allait faire ces rituels-là, c'est là on dirait qu'il y a un mauvais sort qui devenait plus dur encore. Maman, même pour manger, c'était difficile. Mm-hmm. C'est qu'elle partait chez les hommes-là, on lui faisait des amulettes sur la tête, des trucs, elle couvrait la tête. Chaque fois qu'elle s'en vend, souvent on ne paye même pas et puis elle revient à la maison. Mm-hmm. C'est ce qui m'a lancé dans le banditisme. J'étais devenu un grand voleur, mm-hmm. et un braqueur. Je droguais. Justement, justement, on en parle maintenant. Alors, tu as intégré un groupe pour te débrouiller. Et puis, le fait qu'on te lave par-ci, par-là, ça t'a développé encore même l'action même des mauvais esprits. Des mauvais esprits encore. Voilà, dans ta plus vie. Fort. Plus fort. Ce qui fait que, d'abord, tu as pris la drogue. J'ai pris la drogue. Mmh. Comment ça s'est passé avec ce gang-là? La drogue, quand on était là-bas à Dabou, il y a des Ghanais qui vendaient la drogue en le temps. Mmh. Nous, on va payer, on appelle ça des copes. Des copes, c'est un peu petit comme ça. Mm-hmm. Il peut coûter au moins ça à 6 000, 8 000. Et puis, on attachait les boulettes. Maintenant, on vendait ça à 100 francs, 100 francs. C'est là qu'on a commencé. C'est là qu'on a commencé avec le gang. On vendait des cadres, hein, dans le temps. On vendait ça. C'est là qui m'a intégré vraiment dans le banditisme. Mm-hmm. Donc, en ce moment, il y a une addiction dans la drogue. Dès que vous preniez de la drogue, vous consommiez de la et drogue. Et puis nous vendons encore. Et puis vous vendez, vous faites le trafic mm-hmm. de drogue. Donc un peu comme des dealers. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on appelle les personnes ça, ouais. voilà, qui font ce trafic-là. Il y avait aussi à côté de ça l'alcool et la cigarette. Oui, j'ai beaucoup fumé. Mm-hmm. À cause de ça, moi, m'ont hospitalisé beaucoup de fois mm-hmm. à l'hôpital protestant de Dabou. Parce que j'ai failli mourir. Sans l'intervention de mon beau, je mourrais. Mais évangéliste, tu prenais combien de mégots ou bien combien de paquets? Deux paquets. Au moins deux paquets par jour. Deux paquets par jour. Oh, dans un paquet, il y a combien? Il y a 20. Il y a 20. Ça fait 40 cigarettes. Mm-hmm. Par jour. Par jour. Hmm. C'était dangereux. C'était dangereux. Et là, quand on t'hospitalisait, à l'hôpital. Je ne pouvais pas laisser la cigarette à l'hôpital. Pour ça, d'abord, m'a hospitalisé une fois où le docteur même m'a conseillé de prendre au moins 2-3 cigarettes par jour. Parce que pour laisser, c'était difficile. Parce que la cigarette même m'accompagne d'un demi. On t'a hospitalisé pour quoi? Qu'est-ce que tu avais? Pour la cigarette. Oui, pour la cigarette, cœur, mais oui. Quelle maladie? J'avais un mou de cœur qui me faisait très mal. Je n'arrivais pas à respirer parce que vraiment, c'était gâté. D'accord. En plus de ça, il y avait encore la drogue et puis boisson, l'alcool. Je veux dire l'alcool. Le coup. Oui. Tu prenais ça combien? C'était seulement le week-end ou bien? Non, pas le week-end. À chaque fois que nous vendons de la drogue, on a un peu d'argent, on est dans les maquis. Parce qu'en ce moment, on appelle ça les bars. Il n'y avait pas de maquis. C'est les bars. Voilà, on s'asseyait dans les bars. Et puis, c'est là-bas, notre client venait nous trouver. Et puis on en profitait pour boire à chaque moment, c'est-à-dire on était dans la boisson, d'accord, la drogue, mais tout pour, ça. Pour nous donner un chiffre, comme on l'a fait pour la cigarette. La cigarette. Un chiffre, quand par exemple Ousmane, Noumaou Ousmane, qui est devenu aujourd'hui évangéliste, quand il s'assoit avec ses copains dans un bar, combien de bouteilles il avale comme ça? Moi je peux prendre au moins 3 litres de vin, 3 litres la de vin. Bière, peut-être 5-7. Bouteille. Avant que nous quittons là-bas. Jusqu'au soir. D'accord. C'est cela. Et maintenant, on va parler un peu de la vie amoureuse, les aventures amoureuses avec les femmes, les filles. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de filles en Côte d'Ivoire comme aujourd'hui là. Ah, il y avait que les Ghanéennes. Ah. C'était les Ghanéennes qui étaient en Côte d'Ivoire beaucoup. Alors, les Ghanéennes qui étaient là, ils avaient pris un quartier même vers la morgue de Dabou, c'était le grand camp. Et puis c'est là-bas que nous habitons. Nous habitons là-bas, moi et ma famille. C'est là-bas qu'on habitait auparavant. Tu vois que ça fait que j'avais des copines ghanéennes. C'est avec eux qu'on sortait. C'est avec la plupart, je dis la plupart des bandits, des voleurs, ils ont camarades, les putes. D'accord. Donc ça veut dire que vous partiez dans ce qu'on appelle les maisons closes. C'est-à-dire que. Pour aller fumer les drogues là-bas. Chez les prostituées. Chez les prostituées. Il t'arrivait d'aller là-bas avec tes copains, aller coucher avec les. Ouais, mais pas chacun avait sa camarade prostituée. Chacun avait une. D'accord. C'est comme ça qu'on vivait. C'était comme ça. C'était une vie. Alors, on va maintenant parler un peu de vols, de braquage. On avait un groupe qui volait très dur. On avait un groupe même, on a une heure là qu'on appelle ça coup de 8 heures. À partir de 8 heures où le monsieur est allé au travail, la femme est partie au travail, les enfants sont allés à l'école, la maison est vide. Et puis nous venons avec nos clés passe-partout. Ça dit que ces vols en réunion, c'était vraiment étudié. C'était étudié, analyse. Voilà. C'était étudié. C'est des choses qu'on ne peut pas tomber dessus. Sinon, si un voleur va voler quelqu'un, si tu ne connais pas te voler. Il faut que tu étudies d'abord. C'est pour cela que les voleurs, les gangsters, quand ils vont voler, si la personne ne te connaît pas, ils ne peuvent pas tomber sur toi un coup comme ça. Ils t'étudient. C'est que nous étudions les hommes. Ils voient un peu les entrées, les sorties. Les entrées, les sorties, les heures de travail. Les heures où il n'y a personne, tout le monde est parti au marché. Il n'y a personne dans la cour. Nous, on venait avec nos bâchés, on vide tout et puis on s'en va. C'est cela. C'était comme ça. Mais ces choses-là t'ont conduit en prison. Mon conduit dans la prison, j'ai fait au moins ça d'Abou. Il y avait au moins 4 fois la prison de Dabou. 4 fois, si c'est la police, la gendarmerie, ça c'était trop. C'était trop souvent, mais les policiers, les gendarmes me chassaient. En ce moment, Dabou, il n'y avait pas la police. C'est à cause de nous, dans nos quartiers, ils ont envoyé la police à Dabou. Parce que le quartier, on appelait ça ingassable. Ingassable. Ça veut dire là-bas, on ne dort pas. Donc c'était un quartier réputé. Réputé abrité, dans le vol, abrité, bandité, le banditisme. D'accord. Ok. Mais en prison, je veux dire. La plus grande peine que tu as purgée, c'était combien? C'est 3 ans à Abidjan, ici, au bâtiment C. Avec les gangsters, ceux qui tuaient les hommes, les coupaient des têtes. Là-bas, tu as la chaîne au pied. Vous êtes deux. Vous avez une chaîne au pied. Vous avez une chaîne, l'autre, la chaîne sur l'autre. Même si l'autre s'en va pousser, il faut qu'il te réveille d'abord. Il te réveille. Même tu ne veux pas chiot, tu as chiot. Il est en train de chier dans une petite barrique. Et tu es assis à côté, tu aspires l'odeur. Oh là là. Vraiment, c'est difficile. Mais je veux dire que quand on jette les gens en prison, quand ils ressortent... Ils deviennent encore plus bandits qu'avant. Bandits encore. Parce qu'en prison, changer. Là-bas, il y a d'autres choses qui se font. Il y a la drogue. À prison, là-bas, tu peux avoir un gant qui peut te former, qui peut te dire, si tu sors, je vais t'utiliser pour faire pourquoi on va brigander ou bien on va faire des braquages. Mm-hmm. C'est-à-dire, la prison ne transforme pas. Mm-hmm. La prison ne transforme pas. C'est seulement Jésus. Mm-hmm. C'est Jésus-Christ seul qui transforme. D'accord. Si la prison transformait, moi, il serait transformé depuis. C'est cela. Puisque 4 à 5 fois, quand même, as fait la prison 4 à 5 fois, c'est trop. Comme maintenant en prison, je deviens encore plus bandit qu'avant. Mm-hmm. Quand je sors encore là, j'ai des camarades encore qui peuvent m'intégrer dans l'autre groupe encore. Mm-hmm. D'accord. Et donc, on parlait de transformation, une somme à transformation, mais on parlait de transformation de vie. La prison, l'univers carcéral ne peut pas transformer. Va transformer, mais c'est Jésus-Christ qui peut transformer. Et en 92, en tout cas, notre invité, qui est l'évangéliste Noumaou Ousmane, va rencontrer le Seigneur en 92. En 92, Dieu. En 91, j'ai fait ma dernière prison. Mm-hmm. Ça, c'était à Bien, ici, au bâtiment C. Mm-hmm. J'étais au bâtiment C. Quand je suis sorti, je suis venu à Dabou voir ma maman. Et maman m'a dit que, ouais, il est temps, quand la Pâque va arriver, on va aller au village. C'est là, on est parti. En partant, j'avais pris la drogue même un. J'ai dit, arrivé là-bas, je vais fumer ça, et puis si ça fait la fête, et fêter, puis revenir. Je ne savais pas que c'est là-bas que Jésus m'attendait pour me transformer. Mm-hmm. Arrivé au village, en anglais, Kwadjokro, j'ai une cousine là-bas qui s'appelle Mondri. Mm-hmm. C'est elle qui m'a dit, non, allons, elle a dit à ma maman, allons chez papa Prosper. Mm-hmm. Dans son cas de prière, là-bas, si on prie pour mon cousin, il va changer. Mm-hmm. Ils ont dit ça, eux, moi, ils ne m'ont pas dit. Arrivé à Boaké, le lendemain, nous sommes venus à Boaké. On a pris des bakala pour nous envoyer à Kwasi Boroko derrière l'aile soir. Mais quand tu as quitté Dabou, tu avais quand même... J'avais la drogue en main. La drogue. Mm-hmm. Avant de venir dans le camp de prière, mais j'ai fumé ça. Mm-hmm. Quand je suis venu là, on a croisé notre papa Prosper. Il m'a regardé, il m'a dit que ouais, vraiment, le Seigneur même. Mm-hmm. Moi, j'ai dit non, non, non. Comment le Seigneur, est-ce que moi je ne suis pas chrétien? Mm-hmm. Pourquoi moi j'ai venu ici pour ils vont prier pour moi? Mm-hmm. J'ai commencé à crier sur ma maman, à lui parler mal, que moi je vais retourner, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises à Dabou. Mm-hmm. J'ai venu faire quoi à Boaké, même pas à Boakéville, dans un campement. Mm-hmm. Et c'était à Kwasi Blekro. Kwasi Blekro 2. Mm-hmm. Derrière l'Ensoa. Mm-hmm. C'est là-bas, mon père, papa Prosper m'a dit que Dieu m'aime. Mm-hmm. Il m'a dit, mets-toi en genoux. Mais je vous le dis qu'André, il y a une force qui m'a attrapé pour me mettre en genoux. Et il a prié pour moi. Mm-hmm. Et quand il a prié pour moi, depuis ce jour, vraiment, j'avais l'envie de fumer la cigarette. Mm-hmm. Je m'avais pendant que tu étais au camp, là. Pendant que j'étais au camp, vraiment, j'étais encore... Je n'ai pas l'envie de... Je vais quitter le camp. Mm-hmm. Parce que je ne pouvais pas résister là-bas. Mm-hmm. L'univers, là, ne t'arrangeait pas. Ça ne m'arrangeait pas. À cause des génies, des esprits. Des esprits me voulaient que je fasse les œuvres. Mm-hmm. Ils veulent me faire sortir du camp. Mais quand je m'en vais, jusqu'à arriver au bout, quelque part, il y a une voix qui me dit, retourne-toi. Mm-hmm. Et je me retourne. Je vais aider à maman que moi je vais là d'abord, que je ne vais pas rester ici. Mm-hmm. Elle me dit, ah, faut partir, tu as transport, il faut partir. Mais qu'est-ce que Papa Prosper t'a dit concrètement quand il t'a suivi? Oui, quand il m'a suivi, il me dit que le Seigneur veut m'utiliser, qu'il d'être patient. Mm-hmm. Quand il dit ça, on dirait que c'est une flèche qu'on m'a piqué avec. Mm-hmm. Ça me fait mal. Je dis, maman, j'ai fait quoi avec Jésus? Parce que toi, tu ne reconnaissais pas Jésus, moi, je connaissais pas Jésus comme Seigneur. Parce que là-bas, on ne reconnaît pas Jésus. C'est ça. Tu as accepté Jésus, c'était difficile. C'était très difficile. Difficile. C'est-à-dire quand il a parlé, après combien de jours comme ça, tu as accepté d'entendre cette parole encore? À peine 1 à 2 mois. Mm-hmm. Parce que chaque fois, il y a un esprit qui me poussait de quitter le camp. Mm-hmm. Il n'y avait pas de garçon là-bas, j'étais le seul garçon. Donc, il y avait comme une lutte intérieure en toi. Il y avait une lutte, ouais, une il y avait une lutte, une voix qui me disait de partir, de quitter le camp. Mm-hmm. Que là, ce n'est rien, ils ne font rien de bon là-bas, que de quitter le camp. C'est très important. Et quand tu as donné ta vie au Seigneur? Toute la famille, c'est bien ça, hein? Toute la famille est devenue chrétienne. Comment ça s'est passé? Je remercie Dieu au nom de Jésus. Vraiment. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, d'abord, comme je l'ai dit, c'est ma maman qui a donné sa vie au Seigneur sans le vouloir. Uh-huh. Sans le vouloir. Comment ça s'est passé? Parce que mon grand frère est pasteur à l'Assemblée de Dieu. Mm-hmm. Le pasteur Ézéchiel, pratiquement la fidèle fille, il est à Bobo là. C'est lui qui est venu quand ma maman parlait qu'il y a un esprit qui venait se coucher sur elle pour l'étouffer. Mm-hmm. Il a dit à maman, mais faut te donner à Jésus. Elle a dit non, non, non. Parce qu'elle avait pour camarade l'un des prophètes là-bas, l'un des grands. Mm-hmm. C'est sa femme qui est sa camarade. C'est qu'elle se disait que non, si elle se donne, elle n'a plus d'amis. C'est là que, quand mon grand frère a dit, si l'esprit vient se coucher, toi, viens t'étouffer, dis Jésus, crois-le. Mm-hmm. Jésus t'a vaincu. Mm-hmm. Quand elle est couchée, comme elle a dit, elle dit, quand l'esprit est venu, quand elle a dit Jésus, crois-le, c'est comme c'est une force qui a pris l'esprit pour le jeter. Pour le jeter. Maintenant, elle s'est levée, elle a dit, mon grand frère, ah, le nom est bon, hein? Le nom de Jésus. Le nom est bon. Amen. Le nom de Jésus est bon. Elle dit, le nom est bon. Ça, mon grand frère a commencé à lui montrer comment il faut prier avant de dormir. C'est là ça, elle m'a envoyé à Boaké. Par exemple, ma mère est jumelle. L'autre jumelle est déjà convertie. Elle est au CEMA. Ah bon? Donc maintenant, c'est là que elle m'a envoyé à Boaké. Elle a déjà accepté le Seigneur. Voilà. En plus de ton grand frère qui était aussi déjà pasteur. C'est bien ça. Ah ouais. Et après, tu as donné ta vie au Seigneur, on l'a dit en 92. C'était difficile, mais le Seigneur avait le contrôle. Avait le contrôle. Et toute la famille. La famille s'est convertie. La famille. Ma petite soeur à l'Assemblée de Dieu. Il y a l'autre qui est fausse quoi. J'ai mon petit frère qui est un ancien membre de l'Assemblée de Dieu. C'est intéressant. Toute ça. Ma famille est devenue chrétienne. Pratiquement, vraiment, Dieu a béni la famille. Parce que ce qu'on ne pouvait pas faire en vain, aujourd'hui, Dieu a ouvert les grandes portes. Ma petite soeur a fait des grands bâtiments, elle a construit à Dabou. C'est bien. Voilà, toute ma famille, pratiquement, on est heureux par la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Et cela fait maintenant 22 ans que tu es évangéliste. 22 ans que je suis avec Papa Prosper. Je suis avec lui jusqu'à ce que vraiment il perd là, mais je suis toujours là. C'est ça. C'est vrai, on le rappelle, hein, Papa Prosper est décédé. Voilà, comme on l'a dit, le Seigneur l'a rappelé à lui. Et voilà, c'est le rendez-vous de tout enfant de Dieu. Hein. C'est la mort, c'est un rendez-vous incontournable. Mais c'est comment on meurt, dans quel état on meurt là. C'est ça qui est important devant le Seigneur. Et nous bénissons la vie du centre de prière, hein, voilà, où Papa Prosper était donc le leader. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Il est décédé dans de bonnes conditions, comme on dit, avec la paix à l'âme, avec le Seigneur Jésus. C'est l'important. Voilà, et c'est important aussi, c'est l'essentiel. Voilà, c'est cela. Donc, c'est toujours dans ce centre de prière-là, la restauration de l'Éternel, que l'évangéliste Noumaou Ousmane officie en tant qu'évangéliste. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a un appel à lancer, il y a une exhortation pour les auditeurs? Vraiment, pour tout je le monde? Veux dire aux parents qui ont les enfants qui souffrent dans la drogue, dans le banditisme, de ne pas regarder de l'autre côté, d'envoyer les enfants en Jésus. Il est le seul qui peut sauver. Comme la parole de Dieu le dit, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes dans le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés. C'est Jésus-Christ qui a la vie. C'est lui qui peut transformer la vie des hommes. Comme moi, il m'a transformé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis dans le ministère. J'ai une femme. J'ai trois enfants. Ça, c'est bien. Auparavant, je ne pouvais pas avoir ça parce que ma vie était gâchée par le diable. C'est ça. D'accord. Voici donc l'exhortation de l'évangéliste Noumaou Ousmane que nous avons reçue. C'est une vie que Dieu a bénie, que Dieu a rattrapée, que Dieu a restaurée, que Dieu a réhabilitée, que Dieu a ressuscité et que Dieu a béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est terminé aujourd'hui pour l'émission Transformation. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre émission avec quelqu'un d'autre. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et puis suivez les programmes de la radio. Au revoir et portez-vous bien. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence Vie, présentation, Prisca Aïman.